Chapitre 4e. Commencement de réveil. La soirée qui suivit cette irréparable journée de fièvre, d'angoisse et de félicité se passa pour Hélène dans une nostalgie torturante et délicieuse. Regretter son bonheur, n'est-ce pas encore y penser? Pourquoi avait-elle demandé à son amant de ne pas venir rue de la Rochefoucauld ce soir? Là-bas, près de lui, elle avait eu l'idée que de le retrouver dans son intérieur, à si peu d'heures d'intervalle, lui serait une souffrance. Maintenant, elle se disait, travaillant au crochet, après le dîner dans le petit salon, et assise sur le fauteuil où Armand s'asseyait d'ordinaire, oui, elle se disait avec mélancolie que ce serait bien doux si elle l'avait là, tout près d'elle. De sa main, quelquefois, elle frôlerait la main de son amie. Elle respirerait le faible arôme du parfum dont elle lui avait demandé de se servir, le même que le sien propre. En imagination, elle comprenait cette jouissance cuisante à la fois et caressante pour une âme de femme, entendre la bouche qui vous a dit « je t'aime » entre deux baisers, l'après-midi, vous dire « madame » et vous. Si bien que la phrase la plus insignifiante vous fait sentir le charme du mystère où vous êtes lié. Et les doigts fins d'Hélène continuaient à manier agilement le crochet d'écaille, tandis qu'Alfred feuilletait un livre sans parler. Elle avait eu à son retour une minute amère, celle où, retrouvant son fils, elle avait dû laisser le petit Henri lui donner des baisers qu'elle ne lui avait pas rendus. Elle s'était contentée de l'étreindre, d'appuyer sa joue contre celle de l'enfant. Et là, elle avait senti qu'elle l'aimait autant qu'elle l'aimait plus encore. Ses émotions de tous ordres avaient laissé leurs traces sur son visage, qui, rosé d'ordinaire, était ce soir-là étrangement pâle, mais de cette pâleur fondue, enveloppée, que laisse après elle la complète volupté. Un halo de lassitude flottait autour des yeux, une morbidesse autour du sourire, quelque chose de souple et d'alangui autour de sa personne, et cet air aimé lui communiquait une séduction qui lui aurait fait peur s'il avait pris le soin d'observer Alfred. Ce dernier ne la perdait pas du regard tandis qu'elle penchait sur son ouvrage sa tête si tendrement fatiguée. Vêtue de blanc, le bistre vague de ses paupières se voyait mieux parce qu'elle les tenait baissées, en apparence sur sa laine, en réalité sur les visions auxquelles son âme se réchauffait. Alfred songeait avec ravissement qu'elle était pourtant sa femme, sa femme. Il était plus épris d'elle que jamais. Seulement, depuis que leur installation à Paris avait séparé leur chambre, il se sentait, chaque fois qu'il souhaitait ses caresses, saisi d'une émotion qu'il avait peine à vaincre. Il fallait demander à son Hélène de rester auprès d'elle, ou bien entrer dans sa chambre quand elle était couchée. Cette nécessité d'agir, jointe au tourment du désir physique, est pour certains hommes si douloureuse que des jeunes gens timides ont un battement de cœur presque intolérable, même en franchissant le seuil des maisons où ils se vendent du plaisir tout préparé. Alfred, durant toute cette soirée, et quoiqu'il fût convaincu de la soumission d'Hélène, subit cette émotion qui ne va pas sans douceur, car elle rend plus perceptible l'acuité du désir. Il la regardait, et la phrase qu'il se préparait d'avance à lui dire lui faisait défaillir le cœur. Il se taisait avec une obstination telle que la pauvre femme avait presque oublié son existence lorsqu'elle se leva pour monter dans sa chambre et lui tendit son front en disant « À demain !»« Et quoi, à demain ?» répondit-il en essayant de faire descendre son baiser sur les yeux et plus bas encore. Elle frissonna, le repoussa brusquement et le regarda. C'était bien, au fond des yeux de son mari, ce même éclair du désir qu'elle avait surpris le matin, reflété dans la glace de sa toilette, tandis qu'elle peignait ses cheveux pour les abandonner aux mains de l'autre. Ce lui fut un brusque réveil de ses songes de toute la soirée. La sensation palpable du partage physique était là, dans toute sa hideur, et comme Alfred se rapprochait d'elle avec un sourire en lui disant « Ma petite Hélène », elle passa vite de l'autre côté d'un fauteuil et, séparée de lui, elle répondit « Est-ce que vous ne voyez pas que je suis tout à fait souffrante ce soir ?» Elle était si pâle, avec un tel cercle de fatigue autour des yeux, qu'Alfred en fut ému. « C'est la fin de ma migraine, » continua-t-elle en se touchant la tempe. « Une bonne nuit, et il n'y paraîtra plus. Allons, à demain. » Elle eut un sourire, fit un geste gracieux de la main et sortit du salon. Alfred demeurait seul, l'entendait aller venir dans la pièce voisine qui était sa chambre à elle. Il occupait, lui, une chambre à l'étage au-dessus qui donnait sur son cabinet de travail. « Comme sa santé se dérange ?» songeait-il avec tendresse. « Non, jamais, jamais !» disait Hélène, se parlant à haute voix. Quand la femme de chambre l'eut quitté, et sautant à bas de son lit, elle donna un tour de clé à chacune des deux portes. Alfred, qui demeurait dans le salon, assis devant le feu, entendit le bruit de cette clé tournant sur le pêne. « Elle a donc peur de moi ?» se demandait-il avec une singulière tristesse, et pendant ce temps, Hélène, étendue dans son lit, se redisait à mi-voix « Jamais, jamais plus je ne serai à cet homme !» La réalité de sa situation venait de s'imposer à elle avec une évidence affreuse. Elle prévoyait la lutte quotidienne, la dispute de sa personne nuit par nuit, heure par heure. C'est ce que l'on appelle la haute vie, avec des sorties de chaque soir, avec les facilités d'isolement d'un vaste hôtel, avec les plaisirs et les devoirs sociaux, permet à deux époux qui ne s'entendent guère de vivre à la fois l'un à côté de l'autre et séparés. Il n'en va pas ainsi dans la bourgeoisie aisée. Le tête-à-tête conjugal y est la règle, les sorties mondaines l'exception. Le mari et la femme se rencontrent à chaque instant et dans tous les détails de l'existence. « Mon Dieu, comment faire ?» se dit Hélène, puis, courageusement, « Je trouverai. Il me sera si doux de lutter pour lui. » Son âme s'exalta sous la pression de cette pensée et soudain elle retrouva sur ses lèvres le goût des baisers d'Armand. Toutes les circonstances de leur entrevue se représentèrent depuis l'angoisse de l'arrivée jusqu'à celle du départ. Ah, quel adieu! Quelle dernière caresse donnée sur le seuil de la porte et avant de rentrer dans la vie! Puis, quelle marche à travers la rue, toute brutalisée par le tumulte des passants, des voitures, des trains! Armand était resté seul dans le petit appartement. Qu'avait-il pensé en présence du lit qu'elle avait voulu refaire elle-même, par une singulière pudeur? Et elle disait, avec sa grâce tendre, « Je vais être reconnaissante à ma belle-mère de ce qu'elle m'a forcée à me servir toute seule, étant petite. » Elle savait, par oui dire, que les hommes méprisent d'ordinaire les femmes quand ils n'ont plus rien à obtenir d'elles. Mais son Armand ne ressemblait pas aux autres, puisqu'il lui avait prodigué ses plus caressants baisers après leur commune extase. « J'étais là, » songeait-elle. « C'est quand je n'y ai plus été qu'il m'a jugée. Jugée, comment ? J'ai trompé pour lui, mais j'ai trompé. » Elle le revoyait alors si tendrement passionné qu'elle s'endormit avec un sourire sur cette image et sur cette idée. « Je le reverrai demain soir. » C'est au théâtre des variétés qu'ils devaient passer ensemble cette seconde soirée, dont les heures furent pour Hélène douces entre les douces, les seules vraiment ravissantes de ces tristes amours. Aussitôt réveillée, elle avait écrit à son amant une interminable lettre, et à la minute où elle allait l'envoyer, elle avait reçu du jeune homme, infidèle pour une fois à ses principes, un petit billet presque câlin. L'émotion nerveuse de la veille avait perdu chez elle son acuité. Il lui en restait une plus vive susceptibilité du cœur, de quoi jouir des choses désirées avec plus de frémissements intimes. Le hasard voulut qu'Alfred déjeuna hors de la maison, et grâce à cette absence, les impressions cruelles de la veille ne se renouvelèrent point. Aussi, quand elle arriva devant la porte de la petite baignoire du théâtre, était-elle dans cet état délicieux de l'âme où l'on a en soi comme une voix qui chante. En ces moments-là, tout fait caresse, comme en d'autres, tout fait blessure. Il était 9 heures. Hélène se trouvait donc debout dans le couloir, et tandis que l'ouvreuse la débarrassait de son manteau, elle n'osait pas demander si déjà une personne était dans la loge. La porte s'ouvrit, son cœur battit, et elle aperçut Armand qui se levait pour la saluer. Comme elle l'aima de les avoir devancés, elle et son mari. Une fois assise et après quelques minutes, elle se hasarda enfin à le regarder. Il lui parut vaguement pâli, et elle s'en inquiéta un peu. Mais il avait à ses yeux des bonjours, ceux qui lui réchauffaient toute l'âme et non pas les autres, ceux dont le mystère l'épouvantait. Quelle pièce jouait-on sur la scène? Elle entendait la musique de l'orchestre, les voix des acteurs, les applaudissements. Mais l'intérêt de la comédie était pour elle de savoir si Alfred sortirait de la loge au prochain entr'acte. La toile tomba. Son heureux destin voulut qu'il y eût dans la salle une famille de leur connaissance. Son mari partit pour saluer les dames. Elle était seule avec son aimé, seule, et tournée vers lui, elle lui demandait Est-ce que tu m'aimes aujourd'hui ?» Armand ne répondit pas, mais sous le prétexte de ramasser sa lorgnette tombée à terre, il se baissa et lui prit le pied avec la main. À travers la soie, elle sentit cette étreinte qui la fit rougir et battre des paupières comme incapable de supporter l'émotion qui l'envahissait. Par un geste rapide, elle saisit un bouquet composé d'un brin de fougère et d'un peu de muguet que le jeune homme portait à sa boutonnière et elle glissa son larcin dans son corsage. Alfred revint, la toile se leva de nouveau, les scènes succédèrent aux scènes, les actes aux actes. Elle ne savait rien d'autre sinon qu'elle était presque trop heureuse. Et quand le spectacle finit, Armand lui donna le bras pour regagner une voiture. Elle s'appuya sur ce bras avec cette fusion absolue des mouvements, signe d'amour complet plus certain que tous les autres. Comme elle aurait voulu que ce fût lui qui prît place à côté d'elle. Mais déjà, il s'éloignait. Elle le suivit d'un long regard à travers la foule. Puis la voiture se dégagea de l'embarras des alentours du théâtre. « Adieu, mon amour, » dit-elle en pensée, tandis que son mari lui prenait la main et lui disait tout haut, « Tu es mieux ce soir ?»« Oui, » fit-elle en dégageant ses doigts, « mais c'est l'excitation du spectacle. J'ai tant besoin de repos. Voilà plus de 5 nuits que je ne dors pas. » Chazelle comprit trop bien ce que signifiait cette réponse. Il demeurait muet dans le coin de la voiture. Hélène se taisait aussi, mais un projet avait déjà mûri dans sa tête. Dès le lendemain, elle irait, conduite par Alfred lui-même, chez leur médecin dont c'était le jour de consultation. Elle entrerait seule dans le cabinet du docteur, à qui elle raconterait n'importe quel symptôme. Puis elle dirait que le médecin lui interdisait jusqu'à nouvel ordre tout rapport intime avec son mari. Elle connaissait trop la sorte de pudeur timide qui dominait Alfred, pour ne pas savoir qu'il la plaindrait, sans chercher à deviner le mystère de souffrance dont elle s'envelopperait. Soutenue par ce projet qui lui aurait tant répugné, s'il n'avait dû assurer la sécurité de son bonheur, avec quelle délice elle se laissa envahir par le sommeil, un de ces sommeils où il semble que l'on dorme avec de la clarté dans ses songes. Nous dormons et quelque chose veille en nous, une portion heureuse de notre esprit qui ne cesse pas de sentir le bonheur que nous retrouverons demain sur notre oreiller. Ne savons-nous pas que nous apprendrons ce bonheur à nouveau, rien qu'en ouvrant nos yeux? Mais ni ce lendemain matin-là, ni les matins qui suivirent, durant ces quelques semaines de première ivresse qu'elle traversa, Hélène n'ouvrait les yeux tout de suite lorsqu'elle se réveillait. Pendant plusieurs minutes, elle gardait ses paupières fermées, afin que l'image d'Armand lui revînt bien nette, bien complète, avant toute autre impression. Si le jour qui allait s'écouler était un jour ordinaire, c'est-à-dire sans visite fixée à la rue de Stockholm, elle se levait paresseusement. L'idée du rendez-vous n'étant pas là pour lui fixer la fièvre, elle pouvait penser à son ami sans anxiété. La veille, avant de se coucher, elle lui avait commencé une lettre qu'elle terminait, sitôt levée, afin que le bonsoir et le bonjour se rencontrassent sur le même coin de papier, symbole visible de la continuité de sa tendresse. Tantôt elle trouvait le moyen de faire porter cette lettre, tantôt elle la gardait sur elle, pliée en deux, sous son corsage, afin de la remettre elle-même. D'Armand, elle n'attendait aucune réponse. Il lui avait expliqué pour quelle raison de prudence il ne lui écrivait pas. Et elle n'avait pas vu dans cette prudence le manque d'entraînement, le calcul politique de l'homme à bonne fortune qui prévoit les brouilles prochaines et ne veut laisser aucune arme entre les mains de sa future ennemie. Elle fermait cette lettre avec un cachet où elle avait fait graver un serpent en forme de S, parce que c'était par une S que commençait le nom de la rue, asile de ses meilleures minutes. Le rire avec lequel Armand avait accueilli cet enfantillage l'avait bien un peu peiné, mais elle s'était dit « Les hommes n'ont pas la même façon d'aimer que nous ». Elle vaquait alors, sa chère besogne terminée, à tous les soins de son ménage, gai et ne trouvant qu'une tâche pénible. Elle était accompagnée dans tout son travail par cette phrase qu'elle se répétait tout bas « Il m'aime, il m'aime ». Elle s'occupait surtout de son fils, qu'elle embrassait maintenant sans remords. « Non, cher petit, je ne t'ai rien pris », lui disait-elle dans son cœur, et grâce au pouvoir de sophisme particulier aux passions heureuses, elle en arrivait à penser de même à l'endroit de son mari. Elle n'avait jamais fait que l'estimer, et elle l'estimait comme auparavant. depuis que le prétexte d'un ordre du médecin l'avait affranchie de toute tentative odieuse de la part d'Alfred, elle étendait jusqu'à lui, ingénument, la joie dont elle avait l'âme comblée. Elle ne lui adressait plus aucune de ces réponses amères où se trahit, à propos des moindres détails, l'inconsciente rancune de la femme contre l'homme à qui elle appartient, et qui n'a pas su s'en faire aimer. Énonçait-il à table, comme autrefois, une idée qui ne fut pas la sienne? Lui échappait-il un geste gauche, une maladroite interrogation? Elle n'avait pas en elle de quoi s'en irriter. Toutes ses facultés se trouvant employées à calculer l'heure où Armand se trouverait auprès d'elle, et à se peindre le bonheur qu'elle en éprouverait. Cette heure sonnait, Armand était là. Elle se sentait si pleinement contente qu'elle ne songeait plus à l'observer. Il lui disait qu'il l'aimait, il le lui prouvait, en lui sacrifiant sa vie mondaine, les théâtres, le club, et passant avec elle jusqu'à 2 ou 3 soirées par semaine. Quel intérêt aurait-il eu à lui mentir, et comment ne pas s'abandonner à cette divine félicité? Quand arrivait le matin du jour choisi pour un de leurs rendez-vous, elle n'avait pas la force de surveiller sa maison. L'attente du bonheur la poignait, si forte qu'elle confinait à la souffrance. C'était, ces matins-là, comme la première fois, de longues rêveries, prostrées et fiévreuses au coin du feu, et une angoisse par le trop sentir qui se détendait en délices lorsqu'elle était rendue au petit appartement de la rue de Stockholm, toujours le même. Car, ayant dû au 3e de leur rendez-vous en prendre un autre, quoique dans la même maison, elle avait supplié Armand de revenir à l'ancien, à celui qui avait été le témoin de sa première ivresse. Il avait fallu pour cela louer le logement non plus à la journée, mais au mois. Armand s'en était d'abord défendu, soi-disant par raison. En réalité, c'est qu'il savait par expérience combien un lieu de rendez-vous mobile et changé à chaque fois facilite les ruptures. Et puis, quoiqu'il fût généreux et riche, il trouvait, sans trop se l'avouer, que la différence était un peu forte entre les 25 francs que Madame Palmyre demandait pour une après-midi et les 400 que représentait une location mensuelle. Il avait cédé néanmoins, précisément parce qu'il y avait là un petit intérêt d'argent et qu'il se trouvait mesquin d'y avoir seulement pensé. « Pour les 6 mois que ça durera », s'était-il dit. Mais que la confiante Hélène avait été ravie de cette concession, qu'elle avait eu tôt fait de transformer l'appartement banal en un domaine personnel, où elle avait apporté toutes sortes de mignons objets de femme, des mules où glissaient ses pieds nus, une dentelle achetée sur ses épaules frissonnantes, quelques étoffes à draper sur la table et le dos des fauteuils, un cadre où poser une photographie d'Armand. Elle ne s'était pas doutée que chacun de ces menus soins avait eu le double effet d'inquiéter de Kern sur la difficulté des séparations futures et de lui prouver qu'il avait affaire à une personne expérimentée. Pareille à toutes les femmes romanesques, Hélène s'occupait de la délicatesse des voluptés communes à elle et à son amie comme d'un souci de sentiment. Ce qui rend une femme de cet ordre parfaitement inintelligible à un libertin, c'est qu'il s'est habitué, lui, à séparer les choses du plaisir des choses du cœur et à goûter ce plaisir dans des conditions avilissantes, au lieu que la femme romanesque et qui aime, n'ayant connu le plaisir qu'associé à la plus noble exaltation, reporte sur ses jouissances le culte qu'elle a pour ses émotions morales. Hélène abordait avec une piété amoureuse, presque avec une idolâtrie mystique, le monde des caresses folles et des embrassements. Cette piété s'attachait à l'homme qui lui avait appris à aimer comme un être au-dessus de toute discussion. Armand avait beau, après les premiers jours d'un abandon produit par la nouveauté de la possession physique, multiplier les traits de son égoïsme. Sa maîtresse trouvait le moyen de l'enchérir davantage. S'il arrivait en retard à le rendez-vous de la rue de Stockholm, elle était si fière de l'avoir emporté à la joute intime des tendresses qu'elle lui en était presque reconnaissante. Si, au dernier moment, et pour sa seule commodité, il changeait l'heure de ce rendez-vous, la douce femme éprouvait un plaisir encore à se sentir traitée par son maître adoré comme une esclave, comme une chose à lui, et dont il disposait au gré de son caprice. Était-ce payé trop cher l'extase qu'elle ressentait à monter l'escalier de la maison? Elle se souciait peu d'être regardée maintenant, à entendre dans la serrure le grincement de la clé, sa clé, car elle en avait une à elle, à se promener dans ces 3 pièces où résidait sa vie passionnée et surtout à tenir rarement auprès d'elle, là, tout auprès. Le soir tombait, les objets autour d'eux effaçaient leurs contours. Elle écoutait la rumeur lointaine de la ville, le fracas du chemin de fer voisin, et sous leurs fenêtres, des rondes de petites filles qui allaient chantant. Il était une bergère. Elle donnait alors à son aimé les baisers d'une tendresse telle qui lui demandait presque avec sollicitude « Qu'as-tu ? Mais je t'ai, » répondait-elle. Ah, pourquoi la passion n'est-elle pas contagieuse ? Et quelle monstrueuse chose qu'entre deux amants l'un puisse tant sentir et l'autre si peu. Si peu ? Et cependant le jeune homme, dans ses fins de rendez-vous, se laissait à parler à sa maîtresse comme s'il l'eût aimé à la folie. Était-ce pour tromper avec des discours la sécheresse réelle de son cœur ? Était-ce que la vibration de ses nerfs émus s'achevait en des phrases aussi tendres qu'il l'était peu lui-même ? Mentait-il ou ne mentait-il pas ? S'il avait eu moins de pouvoir d'analyse, il se fût cru amoureux d'Hélène, car il était envahi auprès d'elle par des passages du plus violent désir. Mais il savait qu'une fois loin de sa présence, il n'éprouverait plus qu'une courbature morale, une lassitude infinie, le sentiment de l'aquabon, et pour tout dire, une reprise de cette torpeur de son âme que la fièvre des sens galvanisait sans la dissiper. Hélène, elle, buvait chaque parole sortie de la bouche d'Armand à ces minutes-là, comme une liqueur qui lui permettrait de traverser avec ivresse l'espace qui la séparerait du prochain rendez-vous. Ce fut pourtant au cours d'une de ses causeries sur l'oreiller, lui accoudé sur son bras, elle couchée contre sa poitrine et le contemplant, que fut prononcée la première phase de son désenchantement, celle après quoi elle commença de voir son Armand, non plus à travers le mirage de son rêve, mais tel qu'il était, avec l'effrayante, la mortelle aridité de son âme. « Ah, comme je voudrais avoir un enfant de lui !» lui avait-elle murmuré au milieu d'une de ses contemplations. « Un enfant qui eut ses yeux !» Et elle leva la main pour toucher les paupières de son ami, qui eut cette bouche, et elle la frôla de ses doigts, « comme je l'aimerais !»« Je ne le souhaite pas, » répondit Armand. « Je serais trop triste de le voir embrassant comme son père un autre que moi. « Mais ce ne serait pas, » s'écria-t-elle. « Il faudrait bien, » reprit-il. « Je partirai avec toi, » fit-elle, « et j'y serai forcée. Comment Alfred me garderait-il maintenant que je ne suis plus jamais à lui ?» Tandis qu'elle prononçait cette phrase, il la regardait tout en songeant, elle aussi. Quel étrange besoin les pousse toutes à raconter qu'elles n'appartiennent plus à leur mari. Et malgré lui, il eut son mauvais sourire. Le sourire avec lequel il avait accueilli d'autres confidences analogues faites par d'autres bouches, et ce sourire avait toujours suffi pour que les femmes qui se l'étaient attirées n'y revinssent pas. Elles ont tant de facilité à changer de mensonge. Mais Hélène, qui ne mentait pas, ne put supporter ni ce sourire ni le regard qui l'accompagnait. N'était-ce pas pour ne plus les voir qu'elle s'était donnée à son aimé ? C'était la première fois depuis lors qu'elle rencontrait la défiance dont elle avait tant souffert dans le début de sa liaison avec Armand, et, loyale comme elle l'était, si brave et si droite, elle insista. « Tu ne me crois pas capable d'appartenir à deux hommes à la fois ?»« Dis que non, mon cher amour, que tu n'as pas cette opinion de moi. Du jour où je suis devenue ta maîtresse, je n'ai plus été la femme d'Alfred. »« Je ne suis pas jaloux, » fit le jeune homme, « je sais que tu m'aimes. » « Dis que tu n'es pas jaloux, parce que tu es sûr que je ne suis qu'à toi. »« Si tu le veux, je le dirai, » fit-il, un peu impatienté de son insistance et surtout très peu soucieux des perspectives de paternité, de fuite et de drame que le soudain discours d'Hélène venait d'ouvrir devant lui. Et une telle ironie était empreinte dans ses paroles que la malheureuse femme s'interrompit. « Il ne me croit pas, » songeait-elle, « il ne me croit pas. » En rentrant chez elle, ce soir-là, Hélène se sentit triste à mourir. Elle se retira dans sa chambre et se coucha dans son lit au lieu de descendre à table, sous prétexte d'un malaise. Elle pleura beaucoup. Elle apercevait vaguement à travers sa douleur quelle différence existait entre son amour à elle et l'amour d'Armand. « Ah !» se disait-elle, « de quoi m'a-t-il jugé capable ? Elle ne m'aime pas. » Et reprise par la crainte atroce, dont elle avait souffert le soir même du jour où elle s'était donnée à lui, elle se disait encore « Il a raison, ce que je fais est si mal, mais il devrait comprendre que c'est pour lui et m'en excuser. » et elle pressait son front sur ses oreillers, tombée subitement, comme il arrive aux âmes très passionnées, de l'extrême félicité dans l'extrême angoisse. Cette première impression fut très vive, mais elle ne dura pas. À la réflexion, Hélène compara son chagrin au motif qui l'avait provoqué. La vue de la disproportion entre l'effet et la cause suffit à la calmer, d'autant plus que les yeux d'Armand, lorsqu'ils se rencontrèrent de nouveau, exprimaient cette ardeur du désir au feu de laquelle son cœur à elle s'épanouissait toujours. Le jeune homme avait bien compris la souffrance causée à sa maîtresse par son doute, et il s'était dit « Pourquoi la tourmenter ? Elle me ment afin de me plaire davantage, et je lui en veux de son mensonge. C'est trop injuste. » Ce raisonnement, qui flattait en secret son amour-propre, eut pour résultat de l'attendrir à l'égard d'Hélène. Mais quand la période de la lucidité a commencé pour un cœur qui aime, elle ne se clôt pas si vite, et quelques jours après cette première secousse, Hélène dut en subir une seconde. Cette fois-là, son amant et elle s'étaient retrouvés, comme il leur arrivait quelquefois, afin de marcher ensemble dans une des allées du jardin des plantes. Hélène aimait beaucoup ce provincial et paisible parc, avec ses beaux arbres qui le rappelaient ceux de la terrasse de l'archevêché à Bourges. Elle aimait surtout la place où elle attendait Armand, la mince et longue terrasse dont le parapet longe la rue Geoffroy-Saint-Hilaire. Elle s'asseyait sur un banc dont elle suivait les aiguilles d'une grande horloge placée contre un des pavillons intérieurs de l'hôpital de la Pitié. La triste cour de cette maison de douleur, avec ses arbres taillés et défeuillés, avec le grillage sombre de ses fenêtres, avec la nuance vieillie et délabrée de ses pierres, lui plaisait comme un contraste à l'intimité heureuse et jeune de son cher roman d'amour. Elle éprouvait un engourdissement délicieux à ramener sa pensée sur elle-même, tandis que les grands omnibus dévalaient lourdement dans la rue basse, presque sous ses pieds. Des enfants jouaient dans le massif du labyrinthe, et leurs cris venaient jusqu'à elle, la faisant se ressouvenir de lointaines impressions effacées par les années. Enfin, elle apercevait Armand au bout de la terrasse, et elle se levait pour aller à lui, plus jolie, elle le sentait au regard de son ami grâce à l'opposition de sa toilette avec l'humble paysage, de son teint rosé avec la noirceur du feuillage des cèdres. Ils marchaient alors dans la portion calme du jardin, celle qui est réservée aux plantes, près des arbres deux fois séculaires, qui appuient leurs vieux troncs, plâtrés comme des murs, sur des supports de fer. Que le ciel d'hiver fût bleuâtre ou voilé de brume, pour elle, quand Armand se trouvait là, c'était toujours soleil. Ils erraient donc l'un auprès de l'autre dans une des allées de ce vaste jardin par une morne après-midi du commencement de février, et Hélène racontait à son amie l'histoire de la femme d'un des collègues d'Alfred que le mari venait de renvoyer après avoir découvert qu'elle avait deux amants à la fois. « Les autres, fit le jeune homme avec son mauvais rire, les ont successivement, la différence est mince. Les autres, dit Hélène, qui retrouva soudain son émotion triste de la semaine passée. « Vous ne croyez pas cela de toutes les femmes ?»« Mais je n'ai pas mauvaise opinion d'elles, » répliqua-t-il. « Je crois qu'elles sont faibles et les hommes menteurs. Elles trouvent beaucoup d'hommes pour leur jurer qu'ils les aiment, et elles les croient une fois sur 10. Cela fait un joli compte à la fin. « Alors, vous pensez qu'il n'existe pas de femme qui n'ait eu qu'un seul amour ?»« Peu, » fit Armand. « Mais qu'importe » ajouta-t-il avec gaieté. À chaque nouvelle aventure, elles s'imaginent qu'elles n'ont jamais aimé auparavant, et c'est à demi vrai, comme toutes les vérités. Elles n'ont pas tout à fait aimé de la même manière. Une question vint aux lèvres d'Hélène. Elle voulut demander « Et moi, que penses-tu? Crois-tu que j'ai aimé avant toi? Crois-tu que j'aimerai après toi ?» Elle n'osa pas. Une fois de plus, elle avait eu l'impression cruelle de ce qu'il y avait d'inconnu dans le caractère de son amant. Non, ce n'était pas d'elle qu'il doutait. Pas plus d'elle que d'une autre. Cet homme ne croyait en aucune femme. Mais comment aimer sans croire? Y a-t-il donc une sorte de tendresse possible sans confiance? Elle ne se répondait pas elle-même sur ces points trop douloureux, mais elle se plongeait dans une involontaire analyse de ses rapports avec Armand. Et voici que, tout d'un coup, la lumière se faisait en elle sur bien des détails qu'elle n'avait pas interprétés. Songeant au côté défiant qui l'épouvantait dans cet homme, elle comprenait d'une manière rétrospective certains silences avec lesquels il avait accueilli ses expansions. Elle se le rappelait, l'écoutant parler, elle, de sa vie de province et de sa solitude morale. « Je me gardais à toi d'avance et sans te connaître, » avait-elle dit. Il n'avait pas répondu, il ne l'avait pas cru. Elle l'avait une autre fois entretenu de l'avenir et de la joie qu'elle ressentait à songer que, jeunes tous les deux, ils avaient tant d'années à s'aimer. Il n'avait pas répondu. Il ne l'avait pas cru. Quand elle lui disait que n'était son fils, elle serait partie loin, bien loin, afin de lui consacrer toute sa vie, uniquement. Il se taisait, il ne la croyait pas. Ah, l'incroyable, l'horrible incroyance! Elle la rencontrait maintenant jusque dans un passé tout récent, mais où elle ne l'avait pas soupçonné. Ou bien non, se trompait-elle? Était-ce qu'Armand avait cru en elle tant qu'il l'aimait? Et recommençait-il de ne plus y croire à présent qu'il l'aimait moins? L'aimait-il moins? Elle n'admettait pas une minute qu'il ne l'eût pas aimée dans les premiers temps de leur liaison. C'était un honnête homme et non pas un criminel d'amour. Il ne lui eût pas demandé d'être à lui s'il n'eût été entraîné par toutes les forces de la passion. Alors elle revenait, pour expliquer l'incroyance d'Armand sur le passé du jeune homme, sur ces déceptions mystérieuses dont lui avait parlé autrefois son mari. « Une femme lui aura gâté le cœur, » se disait-elle. À cette idée, elle souffrait d'une souffrance différente. Elle plaignait Armand davantage, et elle était jalouse, d'une obscure et vague jalousie. Puis elle se demandait « Mon amour aura-t-il jamais la force de lui rendre la foi qu'il a perdue ?» Absorbée qu'elle était dans ses pensées, dont elle n'exprimait rien à l'homme qui en faisait l'objet, elle n'étudiait plus l'impression qu'elle-même produisait sur son ami. Lorsqu'Armand venait dîner rue de la Rochefoucauld et qu'ils restaient tous les trois, lui, Alfred et elle, à passer la soirée dans le petit salon, elle roulait dans des abîmes de silence. Alfred, en sa qualité de mathématicien, adorait les discussions abstraites et il exposait des théories sociales, politiques ou économiques à son ami qui l'écoutait avec un visible ennui peint sur son visage. Il venait une minute où Hélène, sortie de sa rêverie, le regardait. Elle voyait l'expression de cet ennui. Elle n'en comprenait pas la cause futile et directe. Elle se disait « Il n'est pas heureux auprès de moi. » Et tout de suite, plus simplement encore, « Il n'est pas heureux. » Elle, qui s'était donnée à lui, pour effacer un pli de mélancolie sur ce front, elle, dont les pensées, dont les sentiments n'avaient qu'un but, son bonheur. D'autres fois, Armand arrivait, et au premier regard, elle devinait que, loin d'elle, il avait traversé des passages de tristesse. Mais alors, elle se sentait toute paralysée. Elle tremblait de lui parler, de dire un mot qui, venu de sa bouche, lui déplairait. Un malaise indéfinissable s'emparait d'elle, une peur de montrer son âme à celui qu'elle aimait, d'autant plus douloureuse qu'elle s'était livrée avec tant de délices durant les premiers jours au charme de sentir tout haut devant lui, et ce malaise l'accompagnait maintenant jusque dans ses rendez-vous de la rue de Stockholm. Ce n'est pas qu'elle dût trouver dans le petit appartement son ami moins fou de sa beauté, moins passionné qu'au jour qui avait suivi l'abandon complet. Mais ses baisers maintenant et la sorte de frénésie avec laquelle il l'étreignait lui faisaient peur. Elle redoutait l'impression du contraste entre cette extase que procurait à son amant la possession physique et l'évidente fatigue d'âme qu'il lui montrait dans leur rencontre presque quotidienne. On eût dit que le jeune homme essayait de s'électriser le cœur au désir de sa personne. Quand Hélène aperçut cette cruelle vérité, l'enchantement des heures de rendez-vous cessa tout d'un coup. Tantôt elle les désirait, ces rendez-vous, avec la plus sombre ardeur, afin d'entendre du moins la voix de son aimé lui prodiguer de ces phrases d'ivresse qu'avait été au début de leur liaison l'adorable musique dont elle s'était grisée. Puis elle les redoutait, ces mêmes rendez-vous, et leurs caresses sous les sens avaient peut-être plus de place que le cœur. « Ah, mon Armand, » avait-elle osé lui dire, « tu aimes mieux ma personne que tu ne m'aimes moi. »« Mais est-ce que tu ne te donnes pas à moi en me donnant ta personne ?» avait-il répondu. « Mon Dieu, comme elle aurait voulu lui demander, et toi, te donnes-tu à moi entièrement ?» Elle s'était arrêtée sur cette question. Pourquoi l'interroger ? Est-ce qu'elle ne savait pas qu'il la câlinerait avec ses mignardises douces des mots qui ne révèlent pas le fond du cœur ? Cette vivante énigme d'un caractère d'homme, posée ainsi devant elle, pour son malheur ou son bonheur, arriverait-elle à en déchiffrer le sens? Cœur cruel, ne lui livrerait-il jamais son secret? Des baisers peuvent pourtant être plus tendres que celui qui les donne. De doux regards cachent une âme comme des voiles, et elle avait si soif de vérité. Mais toute cette inquiétude morale qui la rongeait, d'où venait-elle? Il n'y avait eu entre eux, en apparence, aucun événement, et déjà elle s'était demandé tour à tour, m'aime-t-il autant qu'au premier jour? M'aime-t-il? M'a-t-il jamais aimé? Peut-il aimer? Et à chaque moment, elle se heurtait contre quelques petits faits qui augmentaient son doute. Elle rencontrait sans cesse cette défiance qui l'avilissait, cette ironie qui la meurtrissait, cette sécheresse de cœur qui la désespérait. Arrivaient-ils à Paris quelques-uns de leurs amis de Bourges, et Alfred avait-il dit à De Kern, « Ne viens pas demain soir, tu t'ennuierais trop, nous avons des connaissances de province. » « Lorsque je dois vous gêner, » disait le lendemain le jeune homme à Hélène, « pourquoi ne me prévenez-vous pas vous-même au lieu de me faire prévenir par votre mari ?»« Me gêner ?» interrogeait-elle. « Et pourquoi me mentir? Vous avez eu là-bas quelques coquetteries dont vous rougissez ici. Vous ne voulez pas que je constate votre familiarité avec celui-ci ou celui-là. Mais qu'est-ce que cela peut me faire puisque vous ne me connaissiez pas ?»« Ce qui me fait, c'est de vous voir mentir. » »« Mentir, toujours mentir. » Ce mot revenait dans les conversations d'Armand infatigablement. Elle le lisait dans ses yeux, dans ses gestes, dans ses pensées. Se trouvait-elle obligée, à la dernière minute, de manquer un de leurs rendez-vous de la rue de Stockholm? Elle devinait qu'il ne croyait pas à son excuse. Mais un homme qui est ainsi, non, cet homme-là ne peut pas aimer. « Ah, aime-moi, aime-moi » murmurait-elle fiévreusement, en se rapprochant de lui, lorsqu'elle avait traversé une de ces crises d'angoisse où elle avait senti le cœur de son amant si peu à elle. « Mais je t'aime, » répliqua-t-il, sans comprendre l'agonie dont cet appel était un suprême soupir. Elle comprenait, elle, que le même mot n'avait pas la même signification pour elle et pour lui. Et toute la tragédie intime dont elle était la taciturne et douloureuse héroïne s'éclairait d'un jour affreux. Comme un prisonnier que ses vainqueurs ont lié durant son sommeil à un cadavre, et qui se réveille enchaîné à cet horrible compagnon, elle se retrouvait, cœur vivant, cœur facile à l'amour, au bonheur, à la vie, attachée à une sorte de cadavre de cœur, glacé, immobile, tué. Quand cette évidence lui apparaissait, vite, elle se rejetait en arrière. Tout ce qu'elle avait cru réel était si menteur. Ce qu'elle avait cru plein était si vide. Mais elle ne voulait pas se l'avouer. Elle traitait de chimères ces presque inexprimables observations par lesquelles une âme torturée en pénètre une autre dans son fond dernier. Elle aimait Armand et elle voulait l'aimer. Toute sa vie maintenant n'était-elle pas jouée sur cette carte? Il y avait 4 mois seulement qu'elle était sa maîtresse. Et quoi? 4 mois si courts? C'est une chose horrible qu'en si peu de temps on puisse parvenir, sans drame visible, de la plus sublime espérance, celle de réparer toutes les injustices d'une destinée d'homme, à la plus amère conviction d'impuissance. 4 mois à peine, et il n'était pas heureux, et elle n'était pas heureuse. Ne remonterait-elle pas cette pente où elle se sentait rouler? Elle entrevoyait l'avenir avec une angoisse indicible. Ah, si c'était vrai qu'il ne put aimer, que deviendrait-elle? Aujourd'hui, elle n'existait que par lui, elle ne pouvait exister autrement. Et lui ne semblait pas se douter de la crise de douleur qu'elle traversait. C'était sa faute à elle. Pourquoi ne lui montrait-elle pas toute son âme? Cela encore, elle ne le pouvait pas. Le pourrait-elle jamais? Et elle murmurait, quand sa peine lui faisait trop de mal. Étrange être, pourquoi t'ai-je aimé? Et cependant, je ne peux pas non plus le regretter.